mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Jardin secret. Sur les Ici, bancs. Ici, vous serez bien. De Judith Meyer. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Installez-vous confortablement. Assis la colonne droite, le menton légèrement rentré, les yeux fermés. Prenez conscience de vos appuis. Les pieds bien à plat sur le sol. Détendez les épaules. Respirez longuement et profondément. Vous entrez en vous-même. La concentration à la base du nez entre les deux sourcils. Vous allez surmonter les obstacles. Devenir plus conscient. Observez les sensations vous traversez. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Toujours les yeux fermés, visualisez l'endroit où vous êtes installé. Pensez aux arbres, aux feuilles mortes. L'herbe est-elle sèche, humide? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? Est-il du vent? Et peu à peu, toujours en respirant calmement, vous allez voir apparaître un chemin. Au bout se dresse une grille. Une grille. La porte de mon inconscient, j'imagine. Décrivez-la. Je dirais une petite grille verte à barreaux, l'entrée d'un square. Vous voici dans votre jardin secret. À quoi ressemble-t-il ? Je vois un truc fleur bleue. C'est une roseraie, dans la chaleur du mois de juin. Ça sent bon. Je longe les buis, les parterres de roses blanches et jaunes. Puis je monte quelques marches sous la pergola chargée de pétales musqués. En haut de ces marches, vous exercez une légère pression du pied sur le sol qui vous soulève délicatement au-dessus de la roseraie, à hauteur de la cime des arbres. Au gré du vent, vous êtes en suspension dans l'air, à la verticale ou bien à l'horizontale, à votre guise. Mais je vole ou je rêve ? Vous pouvez facilement vous diriger d'un mouvement de l'épaule ou de la hanche. Vous surplombez les passants qui circulent dans les allées. Ah oui ! On dirait le monde des Playmobil. En rond dans l'herbe, sous une volute de fumée, une ribambelle de casquettes. Et là, un labyrinthe végétal, avec de petits bonhommes à l'intérieur, qui s'agitent. Tiens, ces deux-là, ils ont trouvé une bonne cachette pour... Amorcez votre descente et posez-vous juste à l'orée du labyrinthe. Voilà, voilà. Vous vous y engagez. Vous suivez un sentier entre les buissons taillés. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis à gauche. Vous arrivez dans un huis clos. La haie se referme. Vous ne pouvez pas revenir sur vos pas. C'est un piège. À l'intérieur, il y a deux personnes, un homme et une femme, familiers. Ils vous jettent un regard hostile. Comment vous sentez-vous ? Exposé. Vulnérable. Tournez lentement sur vous-même, sans les quitter des yeux. Décelez-vous une issue ? La lumière au bout du tunnel. Oui. Oui, oui, là, une fente entre les branchages. Si j'osais, je... Vous êtes libre. Vous vous relevez dans une vaste pièce haute et claire, nimbée de lumière, au parquet blond, aux baies vitrées donnant sur les feuillages. Au fond de la pièce, il y a quelqu'un qui vous accueille avec un large sourire, vous observe avec désir, vous fait signe d'approcher. Connaissez-vous ce visage ? Êtes-vous attiré ? Vous saisissez sa main et l'entraînez dehors, sur la terrasse, perchée en pleine forêt, au-dessus du lac. Où, insensiblement, vous voici embarqué à bord d'un canot de bois, de l'île à la cascade. Vous voguez en eau douce, les vaguelettes teintées par le soleil. Vous êtes sauvé. Je suis vaincu. Peu à peu, à votre rythme, vous allez revenir sur la rive, ici et maintenant. Vous êtes sur le banc. Reprenez conscience de votre respiration, de vos membres engourdis. Vous pouvez vous étirer. Ouvrez les yeux, frottez vos mains l'une contre l'autre. Conservez les images de votre traversée. Vous êtes ici, chez vous, à l'endroit qui vous ressemble. Vous êtes performant. Vous êtes adaptable. Vous pilotez un monde qui s'adapte à vos envies. Vous êtes l'individu du 21e siècle. C'était Jardin secret de Judith Meyer avec Julie Pouillon et Jade Herbulot. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levacher et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.